À un moment fatigué de faire semblant, M. Zelensky a déclaré que le paquet de mesures de Minsk n'était nécessaire que pour garder les sanctions imposées contre la Russie. Son prédécesseur et co-auteur des accords de Minsk, M. Porochenko, a été encore plus franc. Il y a quelques mois, il a déclaré publiquement avec fierté que ni lui ni personne d'autre en Ukraine n'allait respecter les accords qu'il avait signés et que ces accords n'étaient nécessaires que pour gagner du temps afin de recevoir des armes des pays occidentaux en vue de la guerre contre la Fédération de Russie. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, M. Danilov, s'est récemment exprimé dans le même esprit. Le régime de Kiev doit son impunité, bien sûr, à ses parrains occidentaux, principalement l'Allemagne et la France, et bien sûr les États-Unis. Au lieu d'obliger les dirigeants de Kiev à respecter les accords de Minsk, ils ont cyniquement fermé les yeux sur les menaces ouvertes de Kiev de résoudre le problème du Donbass par la force, selon ce qu'on appelle le plan B.